À l'image d'un papier froissé, dur comme un regard glacé, j'ai des yeux tristes qui ne peuvent pleurer. Je fais dans la mélancolie parce que c'est ça que j'aime. La tristesse dans un colis, c'est ça le thème. H-A-I-N-E immatriculé, j'ai de la peine immaculée. Le sol de mon sang, le crâne gisant sur le sol. Encore une autre soirée où j'ai l'esprit sale. Si le bonheur serait de vivre seul, je crois que ça serait. J'ai les yeux d'un enfant apeuré. Le ciel, j'ai imploré de partir pendant mon sommeil, sans dormir, sans que ma conscience se réveille. C'est pas ici que je trouverai l'éveil. Mon nez est critiqué par ma bouteille. Parfois je préfère boucher mes oreilles que d'entendre vos conneries. Parfois j'entends même le chétan gaulerie. Solitude, solitude, je vois ce sentiment agir dans mon attitude. Je te jure, j'ai mal au cœur, les gens m'écœurent. Peut-être parce que je suis trop sentimental. Que veux-tu, je suis gouverné par mon mental. Toujours vrai et sincère depuis le départ. En Vendée, je suis reparti à la case départ. J'ai peur de devenir alcoolique. Ma paranoïa a éloigné tous mes acolytes. J'ai vécu là où la lumière devenait sombre. J'ai écrit ma peine cachée dans une ombre. J'ai jamais voulu trop m'affirmer. Peur qu'on me déteste et devenir infirme. J'ai compris qu'un être humain était affine, que la vie était le reflet de tous ces films. J'ai encore de l'espoir mais j'ai peur qu'il s'éteigne. Je te raconte mes déboires car mon cœur saigne. Mino, j'ai rêvé de me couper les veines. J'ai toujours cru en l'unité malgré la bêtise de l'humanité. Des nuits entières j'ai cogité à tes plans pour pouvoir m'en sortir. Tourner le dos et partir en martyr. Désolé si cette solitude m'attire. Désolé si cette solitude m'attire. Tchit tchit tchit tchit. 1 1